Enseignement par le vénérable Sayadaw Upandita. Retrait de Vipassana 2001. 15e jour. Hier, le vénérable Sayadaw nous a expliqué le fonctionnement de la loi de causalité. Les différentes manifestations de cette loi sont regroupées en quatre grandes catégories. Un phénomène physique peut être la cause pour un phénomène mental qui devient l'effet. Un phénomène mental peut être la cause pour un effet physique. Un phénomène mental peut être la cause pour un autre phénomène mental qui devient l'effet. Et un phénomène physique peut être la cause pour un autre phénomène physique qui est l'effet. Ces quatre catégories ont été expliquées hier, mais pas en détail. Le méditant qui note et observe de façon ininterrompue les différents phénomènes qui se manifestent à l'intérieur de lui, va réaliser par lui-même tout d'abord la différence entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux, nama et rupa. Il va ensuite réaliser les causes et les effets, et s'il poursuit sa pratique, il verra comment les phénomènes apparaissent pour disparaître l'instant d'après. Autrement dit, il va réaliser anicca, l'impermanence. Il verra également que ces constantes apparitions et disparitions des phénomènes sont une souffrance. C'est dukkha-lakkhana, la caractéristique de souffrance des phénomènes. Le méditant verra également que les phénomènes se produisent d'eux-mêmes, qu'ils sont tous hors de contrôle. C'est anatta-lakkhana, la caractéristique de non-soi. Il suffit d'expérimenter une des caractéristiques pour que les deux autres le soient également. Par exemple, lorsque le méditant réalise dukkha-lakkhana, la caractéristique de souffrance, les deux autres lui apparaissent également. Si c'est anatta-lakkhana, la caractéristique de non-soi, qui est expérimentée, les deux autres, c'est-à-dire anicca-lakkhana et dukkha-lakkhana, le sont également. Réaliser clairement une des caractéristiques, c'est le réaliser toutes les trois. Avant de pouvoir réaliser les trois caractéristiques des phénomènes, il faut que leur véritable nature ait été perçue. Pour percevoir la véritable nature des phénomènes, il faut tout simplement les observer et les noter au moment précis où ils se manifestent. Lorsque le mouvement de soulèvement a lieu, le méditant en est conscient. Lorsque le mouvement d'abaissement a lieu, il en est conscient également. Au moment de la marche, lorsqu'il lève, qu'il avance et qu'il abaisse le pied, il est conscient de ses mouvements. Lorsqu'il s'étire, il est conscient de ce mouvement également. Il est conscient de tout ce qui se passe en lui à chaque instant. À force d'observer ainsi, il va à un moment faire la différence entre l'esprit et la matière. Il va ensuite réaliser les causes et les effets. Ce n'est qu'après avoir réalisé ces choses qu'il sera en mesure de voir les trois caractéristiques des phénomènes. Et c'est de ces trois caractéristiques des phénomènes dont il sera question ce soir. Le méditant doit expérimenter anicca, l'impermanence. Il doit comprendre anicca-lakkhana, la caractéristique d'impermanence. Et il doit réaliser anicca-nupassana, la contemplation de l'impermanence. Les phénomènes qui se manifestent aussi portent sensorielles et qui sont tous conditionnés par des causes bien précises apparaissent et disparaissent constamment. Les objets sont donc tous impermanents, c'est cela anicca. Anicca-lakkhana, c'est la caractéristique d'apparition et de disparition. le fait même de l'impermanence. Et Anicca Nupassana, c'est la compréhension intuitive qui réalise le fait de l'impermanence. Imaginons par exemple que nous soyons concentrés sur les mouvements de l'abdomen. Au moment où le soulèvement a lieu, on ressent une sensation de tension, de mouvement. Ces sensations sont anicca. Lorsque l'abaissement se produit, il apparaît pour disparaître l'instant d'après. On ressent des sensations de lourdeur, de légèreté, de tension, de toucher, de raideur. Toutes ces sensations sont anicca impermanentes. On peut également observer le fait d'ouvrir et de fermer les yeux. On voit l'intention d'ouvrir les yeux et toutes les sensations qui sont liées à ce mouvement. Toutes ces sensations sont également anicca. Anicca lakana, la caractéristique d'impermanence, c'est le fait même que tous ces phénomènes apparaissent et disparaissent constamment. Si nous observons attentivement le mouvement de soulèvement de l'abdomen, que nous en voyons le début, le milieu et la fin, la compréhension intuitive de l'impermanence va se produire. Cette compréhension intuitive de l'impermanence, c'est Anicca Nupassana. Comprendre intuitivement le mouvement de soulèvement de l'abdomen ne relève pas de la compréhension intellectuelle. S'il vous plaît, ne confondez pas ces deux choses. La compréhension intuitive se base dans l'observation directe. Elle procède de la contemplation du mouvement de soulèvement. C'est Anicca Nupassana. Prenons un autre exemple. Imaginons que la chaleur se manifeste en nous. Cette sensation est Anicca. On se concentre sur cette sensation, on la voit apparaître et disparaître. Ceci, c'est réaliser la caractéristique d'impermanence Anicca Lakana. Ensuite vient la compréhension intuitive de l'impermanence de ce phénomène. On observe la sensation de chaleur du début à la fin. S'il y a observation attentive et application de l'esprit à l'objet, celui-ci va atteindre la cible de façon directe ou indirecte. On parle alors de Samma Sankappa. Dès le moment où l'esprit atteint la cible de façon directe ou indirecte, la sensation de tension liée au mouvement de soulèvement va devenir évidente. Kanika Samadhi, la concentration momentanée, est impliquée dans ce processus. Lorsque l'esprit atteint le mouvement de soulèvement et que le méditant perçoit la tension, on parle de Samadhi, la vue juste, puisque la véritable nature de l'objet est perçue. Samma Sankappa, l'intention juste, et Samadhi, la vue juste, sont deux facteurs du noble octuple sentier. À eux deux, ils forment le groupe de la sagesse. Le méditant qui est capable de percevoir la nature des phénomènes se libère de l'illusion ou ignorance. Il n'y a plus de doute, plus d'hésitation, plus d'indécision. Il voit distinctement. À l'entretien, certains méditants ont expliqué à Sayadaw que lorsqu'ils observent le mouvement de soulèvement, ils réalisent que ce mouvement est en réalité fait d'une suite de petits mouvements de soulèvement. En réalisant l'impermanence des phénomènes, on se libère de la perception de permanence, en pali, nichasanya. Avant d'entreprendre la méditation, on pensait que tout était permanent, c'est nichasanya. Mais après avoir pratiqué pendant un certain temps, on comprend que les choses ne sont pas permanentes. Croire que les phénomènes sont permanents va amener automatiquement l'orgueil et la vanité, mana en pali. Mais lorsque le méditant réalise la nature impermanente des phénomènes, mana est anéanti. Et il se libère non seulement de la perception de permanence, nicca sanya, mais également de l'orgueil et de la vanité, mana. S'il vous plaît, réfléchissez à tout cela. À force d'observer les phénomènes qui apparaissent et disparaissent, l'esprit va devenir très clair. Le méditant voit l'impermanence, il l'accepte, car elle lui est confirmée par ce qu'il voit. Mais sans la méditation, il n'est pas facile d'accepter cette évidence, car elle ne lui est pas confirmée par sa propre expérience. Il n'est pas facile d'être convaincu et d'accepter ce fait si on ne médite pas. L'acceptation et la confirmation ne viennent pas de l'extérieur. Ce n'est pas la lecture ou l'écoute d'un enseignement qui va les faire surgir. Cette acceptation et cette confirmation se basent dans la pratique elle-même. C'est pourquoi elles sont très précieuses. Lorsque le méditant voit que tous les phénomènes sont en état de flux, il comprend qu'ils sont insatisfaisants, d'autant plus qu'à ce stade, il ne voit que des sensations désagréables. Les sensations qu'il expérimente à ce stade étant essentiellement les sensations désagréables, il est même possible que le méditant qui ne fait pas preuve de suffisamment de zèle abandonne la pratique. Mais celui qui est courageux, qui a de la détermination, va poursuivre son effort et continuera à noter. Il va observer ses sensations désagréables et les verra constamment apparaître et disparaître. Il les verra changer d'aspect. C'est anicca. Il va ensuite comprendre anicca lakana, la caractéristique d'impermanence. Il va réaliser que ces sensations déplaisantes se produisent d'elles-mêmes, qu'elles sont hors de contrôle. C'est anatta nupassana. Il y a une différence entre le fait d'expérimenter la sensation douloureuse et la comprendre. Aucun atta n'est impliqué ni dans un cas ni dans l'autre. Il n'y a que la douleur et la conscience de la douleur. Le méditant poursuit son effort, il contemple anicca, c'est anicca nupassana, il contemple dukkha, c'est dukkha nupassana, et il contemple anatta, c'est anatta nupassana. Tout ceci va faire surgir en lui sadda, la confiance, qui va devenir très forte. À cause de ce regain de confiance, le méditant devient plus téméraire, il fournit plus d'efforts, et son attention se renforce. Voir ainsi anicca lakana, dukkha lakana et anatta lakana, c'est précisément vipassana. Le mot vipassana se compose de deux parties, vi, qui veut dire selon des modes différents, et lakana, qui veut dire voir. Le méditant voit selon des modes différents. Il voit selon le mode anicca, de dukkha et de anatta. La vision pénétrante de vipassana, vipassana, jnana, ne commence en fait véritablement qu'à partir de ce point. À force d'observer les apparitions et disparitions des phénomènes, la compréhension de anicca se renforce. Comme il a été dit plus haut, l'orgueil et la vanité, mana, disparaissent. Au début de la pratique, le méditant espérait expérimenter des sensations agréables. Il observe son corps et n'y trouve que des sensations désagréables. Progressivement, il va renoncer aux sensations agréables puisqu'il est bien obligé de constater qu'il n'y a en lui que des douleurs. Ce faisant, il se libère de tanha, le désir, puisqu'il ne désire plus les sensations agréables. Tanaha, c'est la même chose que loba, le désir avide. Dosa, la colère, sera également éliminée. Au début de la pratique, lorsque le méditant expérimente des sensations désagréables, dosa était présente car il avait de l'aversion pour ces sensations. Mais arrivé à ce point, dosa a disparu car il n'y a plus d'aversion pour la sensation désagréable. À ce point, il n'y a plus ni désir tanha pour la sensation agréable, ni aversion dosa pour la sensation désagréable. Le méditant voit également de façon très claire que les sensations apparaissent et disparaissent continuellement, et il se libère ainsi de moha, l'ignorance. Voilà comment il est possible de se libérer de dosa, la colère, de loba, le désir, et de moha, l'ignorance, par l'observation des sensations désagréables. Et ces trois racines négatives seront remplacées par les trois racines positives, aloba, l'absence de désir, adosa, l'absence de colère, et amoha, l'absence d'ignorance. Ces trois racines vont se manifester dans l'esprit et s'y implanter. Ceci est remarquable. Les gens qui croient en anatta pensent que les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux qui se manifestent en eux sont constitutifs d'une personnalité. Ils pensent qu'il s'agit là d'une âme, d'un ego. Ils pensent que ces choses sont permanentes et qu'il est agréable de posséder cet ego. Mais si on contemple les phénomènes, on expérimentera par soi-même les trois caractéristiques d'impermanence, de souffrance et de non-soi. En assistant aux apparitions et disparitions des phénomènes, on comprend qu'il n'y a là aucun ego permanent. Comme on expérimente ces phénomènes comme douloureux, on comprend qu'il n'y a rien de désirable à y trouver, et on comprend également qu'ils sont tous incontrôlables, qu'il n'y a pas d'ego qui les gouverne. Le méditant comprend que les phénomènes se produisent d'eux-mêmes sans l'intervention d'une âme, d'un atta. Il anéantit ainsi la vue fausse qui fait croire en l'existence réelle d'un atta, attaditi. Le méditant qui observe les phénomènes physiques et mentaux à l'instant précis où ils se manifestent voit très clairement. Il comprend qu'en plus des phénomènes qu'il est occupé à observer, il y en a beaucoup d'autres qui sont également impermanents, insatisfaisants et hors de contrôle. Par inférence, il comprend que ce qui est vrai pour les phénomènes du présent l'est également pour les phénomènes du passé. Par inférence, il comprend également que ce qui est vrai pour les phénomènes du présent l'est également pour les phénomènes qui se produiront dans le futur. Ces phénomènes seront également impermanents, insatisfaisants et hors de contrôle. Le méditant comprend donc que tous les phénomènes, qu'ils soient présents, passés ou futurs, sont soumis aux mêmes trois caractéristiques. Il va aussi comprendre par inférence que ce qui le concerne, lui, dans son propre corps et son propre esprit, concerne également les autres. Cette connaissance par inférence est appelée anumana siddha. Anumana siddha n'est pas une connaissance vipassana au sens plein de ce terme, mais comme elle procède de vipassana, on l'inclut dans les connaissances vipassana. À ce stade de la pratique, le méditant aura tendance à réfléchir, mais il est important qu'il écoute les instructions du professeur et poursuive sa pratique sans réfléchir. L'attention va devenir très forte, la capacité à l'effort va devenir puissante. À ce stade de la pratique, le méditant n'a plus besoin d'appliquer l'esprit à l'objet. Il tombe directement sur la cible. Le méditant est devenu très habile dans l'art de contempler. L'esprit atteint automatiquement l'objet et s'y frotte. Viriya est présente. La concentration, samadhi, est également développée à ce stade. Le méditant voit une très grande quantité d'objets qui apparaissent et disparaissent à très grande vitesse. Le soulèvement a lieu, il disparaît instantanément. L'abaissement également apparaît pour disparaître instantanément. Et il y a beaucoup d'autres sensations qui se manifestent partout dans le corps, apparaissant et disparaissant à très grande vitesse, et chaque fois qu'il disparaît, le phénomène entraîne l'apparition du suivant. À ce point de la pratique, le méditant n'a pas de difficulté à observer et à noter tous ces objets. Il le fait très facilement. Les trois racines, aloba, absence de désir, adosa, absence de colère, et amoha, absence d'ignorance, apparaissent dans l'esprit et s'y développent amplement. Elles deviennent luxuriantes et très saines. Ceci est tout à fait remarquable à ce stade de la pratique.